ville c'est Marseille. Mon club c'est l'OM, c'est pas tout beau Toros, crois pas que tous les jours c'est Noël. Dans ma tête c'est le why, je fais des tours avec ma wife. Je préfère me faire discret, pas raconter ma life. Au Pinel dans le sac, au mec je fais des massacres. En allant toucher, je croise les cifs dans la passade. C'est mes coûts en cassette, en faisant zigzag sur la A7. Je vous nique vous et vos poussettes, je parle pas mais chiant vous êtes. La retournée, on se croisera comme par hasard. Ils ont pas de fierté, tu mets la haine quand tu me compares à ça. Faut que je me barre à Saint-Trope avant de faire une syncope. La chienneté, j'ai connu, là il me reste 4 pets et 5 clopes. 3 ou 4 sympotes. Magadji, mon pit, ma batte, mon shit, mes feuilles, mes couilles et mon glock. Ça braque ton RS Black, ça lève tracker et plaque. Et pop, pop, pop pour avoir les billets à Drake. Je serre. Les problèmes, je suis capuché. Je suis au drive, je vais toucher. Je serre. Tu l'as aimé défaucher, t'existes plus quand t'es fauché. Je serre. Les problèmes, je suis capuché, je suis au drive, je vais toucher, je serre. Tu l'as aimé défaucher, t'existes plus quand t'es fauché. Appelle-moi Itchy, dans la nuit, je peux t'envoyer Digit. Que déjà loi qui dit tu font la toffe quand ils sont Gigi. Serein comme Toto, le sourire quand choque des tentas. Je suis tenté quand un fils de me cherche, pressé la détente. Ce moment, je suis content, j'suis pas du sort en vanté. L'argent, c'est ton pas du sel, mais avec, tu restes le même comme Kanté ou Cantona. Je préfère prendre des douilles pour les poteaux plutôt que me prendre du Gucci et des Daytona. On a pas les mêmes vies, les mêmes buts, les mêmes potes, les mêmes putes, le même shit. On a pas le même chiffre, les mêmes blocs. Je peux pas briller, je suis avec Cendrillon. Les boîtes et les folles, ça me dit rien. Les gens diront que si tu es personne, tu pourras même pas faire du rond. Je te le dis direct. Je le serai si tu me veux faire, ouais, je le serai. Si tu fais semblant quand tu dis mon frère, je le serai. Si tout ce temps tu me l'as fait à l'envers, je le serai. Si t'as parlé de moi au commissaire, je le serai. Si t'es toi derrière le fake, je le serai. Et on verra ce que je te ferai, je le serai. Si t'as parlé de me cambuter, le compte en ma main, putain, je le serai. Je suis serein, je suis sérieux, je suis sérieux. Faut que je m'arrache, faut que je fasse partir ma rage. Marre des chemises, des barrages, je veux lâcher rond dans le garage. On t'a pas dit que le respect ça s'apprend. Que tu fais des poussettes un jour ou l'autre, ça s'apprend. T'as pas dit qu'il faut pas compter sur les gens. Une dispute après sur toi et raconter les gens. On t'a pas dit. J'suis parti, j'suis pas tout seul, j'ai beaucoup moins de soucis, beaux conneries. Moi j'suis loin de tout ça, on t'a pas dit. Sans cache, tourner dans le secteur, je redé sous pince monseigneur. En évitant l'inspecteur, tu parles de moi, tout ça, tu voulais tout bénéfice. C'est pas bon tout ça, tu voulais niquer le bénéfice. J'fais le Sindul, toi tu bois, tu fais le King Kong. Moi quand j'bois après, je parle pas Ching Chong, j'suis pas le Kim Jong-un. Ils veulent tester, ils sont où. La missile reviendra toujours, tu l'as bien mis son coup. Je serre. Les problèmes, j'suis capuché, j'suis au drive, je vais toucher, je serre. Tu l'as aimé défaucher, t'existes plus quand t'es fauché, je serre. Les problèmes, j'suis capuché, j'suis au drive, je vais toucher, je serre. Tu l'as aimé défaucher, t'existes plus quand t'es fauché, je serre.